Restez calme. Tout va très bien se passer. L'être humain, improbable mécanique lancé dans une quête perpétuelle au cœur des labyrinthes psychiques, où les neurones s'entrechoquent et où Toumaï répond à Aristote. Au fin fond de l'univers, quand il n'y a plus aucune solution, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique. And what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature. Elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça roule, ma poule ? Ouais, faut voir. J'ai passé la nuit dans mon frigidaire et le pire, c'est pas le froid, c'est la lumière. Enfin, passons. Qui est notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Vincente Roche. Dossier Epsilon 003. C'est qui celui-là ? Bah, Vincent Josse, vous savez, professeur Colin. Vincent Josse, la petite teigne de France Inter. Vous poursuivez dans le sarcastique, professeur Mauduit. Dites-moi plutôt, comment se présente son dossier ? Oh là, critique. À mon avis, trouver une solution à la récession nous aurait posé moins de soucis. En gros, il est complètement barré, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là. Bon, nous allons voir ça. Faites entrer le patient, professeur Mauduit. Vincent Josse, vous êtes attendu au Labo Studio 81. Vincent, à table. Bonjour, Vincent Josse. Bonjour, professeur. Comment vous sentez-vous ce matin, monsieur Josse ? Je suis légèrement tendu. Un peu tendu ? Oui. Pourquoi donc ? J'essaierai d'être à la hauteur, j'essaierai de ne pas vous décevoir et voilà, de ne pas ennuyer l'auditeur. Nous allons voir ça. Avant tout, monsieur Josse, sachez que le ministère psychique considère que vous pourriez être dangereux pour la société. Vous êtes dans le collimateur de notre gouvernement et nous sommes ici pour décider de votre probable internement. Le professeur Mauduit va nous exposer ce qui nous tracasse chez vous. Eh oui, monsieur Josse, votre comportement nous fait penser que vous êtes atteint primo de mimétisme druckerien. Secondo, du syndrome d'Agnan, tendance gossinienne. Et enfin, vous êtes sans doute un psychotique masqué et emplumé. Franchement, ça fout les jetons. Pour fouiller votre santé psychique et répondre aux exigences de notre gouvernement, nous commencerons par dresser votre portrait psychologique, monsieur Josse. Ensuite, nous vous ferons subir une petite série de tests sadiques. Et enfin, vous n'échapperez pas à nos conclusions impartiales sur votre architecture mentale, afin d'établir, bien entendu, une petite prescription non négociable. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre séance, afin de vous préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, montez le son, monsieur Josse. Soyez le bienvenu, c'est la panique, et faites connaissance avec une sympathique agitée symphonique du ministère psychique. When love comes in and takes you for a spin. La la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight. Ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away. Ooh la la la, well it's so tragic. C'est magnifique. When love comes in and takes you for a spin. Ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight. Ooh la la la, c'est magnifique. Away, ooh la la. C'était K-Star. Rien à voir avec Joey, mais c'était magnifique. L'inconscient est le discours de l'autre. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. Avant tout, nous remercions chaleureusement le professeur Jacques Lacan pour cette sublime digression sur l'inconscient, assertion introductive à notre séance du jour consacrée au dossier psychologique de Monsieur Vincent Josse. Êtes-vous bien installé, Monsieur Josse ? Tout va très bien. Avez-vous passé une bonne semaine ? Oui, je suis plutôt content de ma semaine. Qui avez-vous croisé cette semaine, Monsieur Josse ? Je viens de croiser une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie Coleman. Marie Coleman, nous la connaissons également. Mais mes fiches me renseignent que vous avez croisé cette semaine Grégoire le Prince Ringuet, Pierre-Marie Gros, Régis Geoffrey, que du lourd, Vincent. Vous fréquentez des people à paillettes, dites-moi. Oh, je les fréquente 10 minutes par jour, hein, uniquement pour les interviewer. Alors, ce matin, le ministère psychique se penche sur votre inquiétant dossier, Monsieur Josse. Et là, immédiatement, surgit un gros problème, n'est-ce pas ? Eh oui ! Qui est donc Monsieur Josse ? Parce qu'en gros, faut pas se leurrer, Vincent, hein, personne ne vous connaît. Tenez, voit-on régulièrement votre physique de jeune premier à la télévision ? Non ! Avez-vous été au cœur d'un scandale un peu sulfureux, genre soirée cagoule et combinaison latex ? À ma connaissance non plus, et c'est dommage. Ainsi, que dire de vous ? Vous n'ignorez point, Monsieur Vincent, qu'il n'y a pas plus catholique que le diable, n'est-ce pas ? Et au ministère psychique. Nous pensons que derrière l'image courtoise, modeste et discrète qui vous caractérise, se dissimule en réalité une architecture mentale beaucoup plus complexe et perverse. Voyez-vous, vous avez la réputation d'être un type sympa, jovial et qui aime son boulot. Eh bien, à ce propos, découvrons ensemble ce petit enregistrement lorsque vous arrivez au bureau le matin. Et vous savez quoi ? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été, au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h, 7h02, je suis comme un fou. Je m'éclate. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément. Alors, Monsieur Josse, votre jovialité cacherait-elle un gros winner corporate ? Expliquez-vous. Je ne pense pas être un winner, cher Philippe Collin. Ah bon ? Ni un numéro un, non. Vraiment ? Je tends vers ça, bien sûr. Mais... La modestie qui ressort de Vincent Josse. Nous, on n'y croit pas, franchement. Dites-moi d'ailleurs, Monsieur Josse, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous ressemblez plus à Bobby qu'à J.R. Ewing ? Moi, je préfère Sue Ellen, de toute façon. Ah, vous préférez Sue Ellen ? Le côté tu es ivre, Sue Ellen m'enchante. Moi. Ah, vous avez un côté Sue Ellen. Oui, je crois. Ressons un peu, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment chez Sue Ellen ? J'aime le fait qu'elle s'échappe de la réalité par l'alcool. Ah. Ça m'amuse beaucoup, voilà. C'est pas ce que je fais, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup comme spectateur. Vous ne buvez pas ? Le week-end. Le week-end. Oui. Mais grosse mine ou... Entre copains, ça peut arriver, oui, mais c'est raisonnable, c'est raisonnable. Je bois pas en semaine. Vous êtes associé au monde merveilleux de la culture, puisque vous produisez Esprit Critique, un magazine dédié aux arts et aux lettres. Vous êtes un peu le premier de la classe. Schtroumpfes lunettes, quand vas-tu enfin comprendre qu'il vaut bien mieux s'abstenir de dire quelque chose parfois ? Alors là, ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour cela, grand Schtroumpf, n'est-ce pas ? C'est la dernière fois que je parle à tort et à travers, parce que moi, quand j'ai dit une chose, n'est-ce pas, à l'avenir, je pèserai chacun de mes mots. Et je vous promets que, d'ailleurs, j'en dirai très très peu. Je serai plus con si j'irai droit au but, je ne parlerai pas. Oh. Et d'autre part, je dois vous dire... Voyez-vous, Monsieur Josse, nous sommes persuadés au ministère psychique que vous développez le syndrome d'Agnan, tendance gaussinienne, ambiance premier de la classe. Êtes-vous le schtroumpf à lunettes, Vincent Josse ? J'en porte, figurez-vous. Les lunettes ? Oui. Mais êtes-vous le petit intello de la radio ? Non, je ne suis pas un intello, moi. J'aimerais bien l'être, mais je ne suis pas un intellectuel. La modestie de Monsieur Josse. Continuons à fouiller votre psyché, Monsieur Josse. Figurez-vous que nous avons constaté une dérive de votre comportement à l'égard de vos invités. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Dites-nous, Monsieur Josse, vous êtes de plus en plus gentil avec vos invités. Que pensez-vous de votre névrose mimétique druckerienne ? Quand j'ai débuté, on m'a dit « tu es le Michel Drucker de la radio ». Je ne crois pas que ce soit un compliment, mais je l'ai pris comme tel. Ouais. Mais ça n'a pas beaucoup évolué depuis le début. Je ne sais pas si je suis gentil avec mes invités. Attendez, Vincent, ouais. Moi je vous écoutais encore jeudi matin. Donc, avec Régis Geoffrey ? Oui, vous commencez l'interview en lui disant « je n'ai jamais rien lu d'aussi beau ». Oui, mais je ne le fais jamais ça d'habitude. Écoutez, moi je tombe là-dessus, je me dis « bah allez, vas-y, Michel Drucker qui arrive, bon, plus que le jingle de Champs-Élysées ». Je me dis « c'est pas possible, Vincent, quand même ». Non, mais j'étais très sincère en disant ça. Son livre m'a ébloui, « Lacrymosa » chez Gallimard. Et je dis rarement ça à mes invités, mais je me suis dit « allez, mouille-toi et commence comme ça ». D'ailleurs, il n'a pas été violent, c'est quelqu'un qui peut être assez violent en interview, assez entier. Et là, il a été calme et il a dit beaucoup de choses et je l'ai trouvé différente d'habitude. Donc, je ne regrette pas d'avoir dit ça, puis c'était sincère, voilà. Et vous avez dit « mouille-toi ». Oui. « Mouille-toi ». Mais oui. Prise de risque. « Mouille-toi », alors vas-y, je me mouille. Bon, ça m'arrive d'être critique, au masque, entre autres, mais voilà. Oui, nous y reviendrons plus tard. C'est se mouiller aussi de pouvoir passer pour un faillot, voilà. Qui a dit ceci, Vincent ? Il y a un monde ailleurs. C'est dans Coriolan de Shakespeare. Parfait, Monsieur Josse, votre culture classique est excellente. Oh, écoutez, Philippe Collin, c'est Jean-Claude Bourret. Qui a dit ça ? C'est Jean-Claude Bourret qui a dit ça sur La 5. Je m'en souviens parfaitement. Oui, on était tous là à regarder le final de La 5 et il a dit « il y a un monde ailleurs ». Et d'ailleurs, je pense qu'il y est. Toujours. Ailleurs. Toujours, on n'a plus de nouvelles ailleurs. De Jean-Claude. Maintenant, complétez ceci, Vincent. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Fouyouyouyou, toutes. Eh ben voilà, ça sèche. Hein, ça sèche. Alors le Shakespeare, on sait, mais le Claude François, que dalle, hein. J'ai dansé sur lui. Oui, eh bien écoutez, voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie. Oui, je suis dans tes bras. Eh ben, on va y arriver. Alors, dans la foulée, Vincent, écoutons la bonne parole de Gilles Deleuze. Claude François, moi j'ai été sensible. D'abord, il cherchait quelque chose. Il cherchait un type de spectacle un peu nouveau, un spectacle chanson. Il invente cette espèce de chanson dansée, ce qui implique évidemment le playback. Tant pis, mais enfin, ou tant mieux, ça lui permet de faire des recherches sonores aussi. Et jusqu'au bout, il n'était pas content, moi, d'une chose, parce que ses textes, c'était d'une bêtise. Et ça compte quand même dans la chanson. Les textes étaient faibles. Il n'a pas cessé d'essayer d'arranger ses textes et d'arriver à des qualités de textes plus grandes, comme Alexandrie Alexandra, qui est une bonne chanson. Voyez-vous, cher monsieur Josse, Gilles Deleuze évoque ici sans détour et avec lucidité l'œuvre de l'incomparable Claude François. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de la culture populaire, monsieur Josse. Pourquoi votre esprit critique s'intéresse si peu souvent à la variété ? Avez-vous la trouille du Jodassaint esprit, monsieur Josse ? Je n'ai pas peur de ce que vous appelez la culture populaire, mon petit Colin. Vous me parlez autrement, le patient, là, il va se calmer. Je pense qu'on l'entend, cette culture, sur Esprit Critique, mais je me dis aussi que toutes les autres radios à la même heure font de la culture et qu'il faut se différencier. Donc voilà, on peut parler d'autre chose que de Joe Dassin sur France Inter. Oui, mais par exemple, on pourrait expliquer aux gens sur Inter pourquoi on n'aime pas Michel Sardou. Oui, je suis d'accord avec vous. Ah, vous êtes d'accord. Très bien, noté, professeur Mauduit. Noté. Le patient a l'air de bonne composition pour l'avenir. Dites-nous, Vincent, Californie ou fornication ? Fornication. Fornication, ah, dit-il. Oui, c'est joyeux. C'est joyeux. Oui, je ne connais pas la Californie. Pas encore. Ça peut être joyeux aussi. Les deux sont pas incompatibles du tout, la fornication californienne. Poursuivons dès à présent nos investigations, monsieur Josse. Je vous rappelle que vous êtes devant nous ce matin pour tenter de nous éclairer sur certains symptômes inquiétants de votre comportement psychique. Après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que vous êtes réellement dangereux pour notre société. Cela dit, figurez-vous que l'éthique du ministère psychique refuse toute erreur clinique. Nous ne voudrions pas vous escamoter à tort. Et pour éviter cette perspective, monsieur Josse, nous blindons nos expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir votre dossier. notamment sur vos antécédents. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Très bien, professeur Colin. Alors, vous m'avez donc demandé aujourd'hui une expertise sur le cas Josse, ici présent. J'ai tenté de rechercher les antécédents familiaux de Vincent Josse et ce ne fut pas simple, Philippe. On ne connaît rien de ce type-là. Mais d'où vient ce mec? Est-il de Dunkerque ou de Marseille? Et oui, Josse, est-il du Nord ou Josse, est-il du Sud? Bien, écoutez, Philippe, c'est assez cocasse, mais on ne sait rien de Vincent Josse. Avec sa tête de séminariste, là, le mieux pour comprendre Vincent Josse, c'est d'aller se plonger dans la légende dorée. Non, la légende dorée, aucun rapport avec le gagnant de la Nouvelle Star, Julien Doré, pas du tout. La légende dorée, c'est celle qui fut écrite par Jacques de Voragine dans la seconde moitié du XIIIe siècle, un recueil de vie de saint suivant le calendrier liturgique. Alors, cette légende dorée, moi, je conseille à tout le monde de la relire, parce que dans l'ambiance de bigoterie du moment, je pense que Monsieur Darcos peut nous remettre ça au programme des écoles. Alors, professeur Colin, il y a de très nombreux suppléments à la légende dorée, tout au long du Moyen-Âge et même au temps moderne, et dans l'un d'eux, on trouve la vie de Josse, un saint homme du 7e siècle. Vous savez, Josse, c'est celui qui a donné tous ces prénoms que nous apprécions tant, comme Jocelyn, Jocelyne, ou bien, en Grande-Bretagne, Joyce. Et je vous le dis, moi, comme tous les gens de Dublin, j'aime Joyce. Alors, qu'apprend-on sur les Josse dans la légende dorée ? Bon, bien sûr, on a le topo, sa géographie classique, des vies de saints, un type, souvent d'un milieu aristocratique, propre sur lui, qui refuse le pouvoir afin de se consacrer à Dieu. Il part vivre en ermite, mais sa réputation de sainteté attire autour de lui plein de fidèles. Et très vite, le bonhomme fonde un monastère, il fait des miracles et il devient saint. Oui, enfin, pour faire une métaphore, la volonté de la part d'une sainte personne de mettre ses ambitions au frigidaire pour ensuite se faire élire premier secrétaire du monastère, c'est complètement d'actualité. Alors, qui est ce saint Josse? C'est un Breton, fils de roi, qui refuse le pouvoir et qui part s'installer en Picardie, dans le comté de Ponthieu, c'est dans la région d'Abbeville, un territoire qui est alors sous la coupe d'un seigneur local, un certain Aymon, un type qui ne veut pas laisser partir Josse. Et oui, parce que Josse a une réputation de sainteté et Aymon veut le garder près de lui. Pourtant, Josse veut partir en pèlerinage à Rome. Et les tensions sont fortes entre Josse et ce seigneur local du comté de Ponthieu, un personnage très renommé, le comte Aymon. 9, 75, 8, 3, 8, 9. Ce sera 395. Le comte Aymon de Ponthieu autorise Josse à s'installer dans sa forêt où il fonde un ermitage au milieu des animaux et des bêtes féroces. Josse mène une vie solitaire dans sa forêt. Il bouquine tranquille, il construit même une petite maison et une petite église. Oui, Josse maçonne, Josse bricole et Josse peint. C'est vrai, ça, Saint Josse est dans la légende dorée, un peu comme Lionel dans son île. De vrai. Ah si, très vite, Josse attire autour de lui des disciples, une bande de types sympas avec la Josse attitude. Mais professeur Colin, ce Josse, c'est de la mauvaise graine. Ainsi, la Vita de Josse nous raconte qu'un jour, il donne tout son pain à des mendiants. Mais vous imaginez, Philippe, ce Josse prône la redistribution des richesses. C'est impensable ce truc-là aujourd'hui, au temps du bouclier fiscal. Mais des petites miettes de RSA, ça suffit amplement. Moi, je vous dis, les Josse, c'est tous des gauchistes. Mais dans le récit hagiographique sur la vie de Saint Josse, en conclusion, on apprend que le jour de la Saint-Josse commémore l'apparition de la main de Dieu au-dessus de lui pendant la Sainte Messe. Ah mais pour moi, tout est clair. Et la Sainte Messe, mais c'est évidemment le 7-10, la matinale de France Inter. Et la main de Dieu, mais c'est bien entendu Dieu, Dieu mourant, Nicolas Dieu mourant. Vous voyez, Philippe, ah là là, j'ose à peine le dire. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint des Laudes est remplacé par l'esprit critique de la matinale. Merci, professeur Mauduit. Qu'avez-vous à répondre, monsieur Josse? J'ai appris beaucoup de choses, là, que j'ignorais complètement. Et arrêtez. Donc je suis né à Abbeville, moi, donc effectivement, pas loin de ce Josse. Auriez-vous pu devenir séminariste? Pas du tout. naturellement. J'ai été élevé chez les Ursulines, hein, mais... Ah, quand même. De la maternelle au bac, mais c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Ursulines? Racontez-nous un peu ça. ça m'intéresse, moi, les Ursulines. Ça ne m'étonne pas de vous, professeur Colin. Allons-y, les Ursulines. C'est une éducation normale, mais religieuse, qui souvent provoque l'athéisme chez les enfants et les adolescents. Donc voilà, je suis un athée. Donc vous aviez des cours de cathé? Ah oui, ça faisait partie de notre enseignement, bien sûr, la religion. La et on nous apprenait à tendre la joue gauche quand on nous frappait sur la joue droite, voilà. Vous avez les mains croisées quand vous parlez des Ursulines, c'est incroyable. Hein, on sent, regardez, là, il écarte ses mains tout d'un coup, les réflexes des Ursulines. Mais c'est loin tout ça, je vous promets. Parfait, monsieur Josse. Nous avons scrupuleusement noté toutes vos réponses. Je pense qu'après cette analyse comportementale, nous en savons un peu plus sur votre curieux portrait psychologique. Mais nous devons aller plus loin, Vincent. Le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller votre inconscient, un petit exercice rythmé comme un télégramme. Comme un télégramme, petit télégramme que je ne t'enverrai pas. Au bonheur des dames, un port d'Amsterdam où je ne noierai pas. Un signal d'alarme, un starter sur Rouen que je ne tirerai pas. Un changement de programme, comme un choix des armes, etc. Toi tu dis ah ah ah, je voudrais un bébé avant qu'on ait cessé. Toi tu dis ah ah ah, je voudrais un bébé, mais pas question de céder. Faut s'aimer. Faut s'aimer. Comme un bubble gum, une fille et un homme, si ça ne colle pas. Les trubis bandum et les postpartum, oh non je n'en veux pas. Les savons cadum, faire gaffe au calcium, vraiment je ne sais pas. Les photos, l'album, un enfant en somme, sinon tu me quitteras. Toi tu dis ah ah ah, je voudrais un bébé avant qu'on ait cessé. Toi tu dis ah ah ah, je voudrais un bébé, mais pas question de céder. Faut s'aimer. C'était l'ABCD de Bertrand Soulier, qui, verni, pompe l'ABCDR de Gilles Deleuze. Explorer l'inconscient, telle est la mission du ministère psychique. Ainsi, après avoir cerné les symptômes schizophréniques du patient, l'équipe du professeur Colin poursuit maintenant son analyse et soumet le patient à la question. Alors, après avoir dressé votre alarmant portrait psychologique, monsieur Josse, nous allons dès à présent entamer une série de tests un peu sadiques afin de sonder votre inconscient. Le ministère psychique a élaboré un test de Rorschach radiophonique adapté à votre cas. C'est très simple, nous envoyons un extrait sonore et dans la foulée, vous nous dites à quoi il vous fait penser. Vous êtes prêts ? Oui. Parfait. Écoutez bien. Voici le premier extrait sonore, monsieur Josse. Interprétez-le comme vous le souhaitez. Vous Voilà, nous découvrons ce premier son. Dites-nous à quoi il vous fait penser, dites-le nous sans aucune restriction. Ah, très honnêtement, à des rots. À des rots? Oui, à des hommes qui rotent après un repas. Non mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que ça vous fait penser à ça? Une sorte de tribu éructante, oui. Ah bon, d'accord. Oui. Poursuivons et voici l'extrait suivant. Vincent Josse, écoutez bien. Que vous évoque ce son, monsieur Josse? Colombe-Schneck. Colombe-Schneck? Développez, s'il vous plaît. Non, c'est vrai qu'elle parle un petit peu comme ça quand elle arrive en studio. Ah, c'est Colombe, vrai. Un petit peu énervée. Et une petite voix qui monte comme ça. Et on aime bien l'énerver pour entendre sa petite voix de Colombe. Une sorte de mouette, un peu, quand même. Une petite mouette. Attention, voici le son suivant. Alors, allons-y, Vincent. À quoi vous fait penser ce son? À une salle de théâtre quand le spectacle est bon. Oui. Mais c'est plutôt quoi? Ma femme s'appelle Maurice ou Beckett? Oui. Non, parce que si on se marre comme ça à Beckett, moi je veux venir. Hein, c'est repris, ma femme s'appelle Maurice à Paris en ce moment. Hein. J'ai vu ça, j'ai vu des affiches dans le métro. J'ai jamais vu cette pièce. On va traiter ça dans l'esprit critique, ma femme s'appelle Maurice? Non. Eh ben voilà, le mépris de la culture populaire. Pas du tout. Faut faire des choix. Justifiez-vous. J'ai que 18 minutes par jour, moi, Philippe Collin, dans l'émission. Et donc, je vais vers des choses qui me ressemblent et qui peuvent ressembler, d'après moi... Et ma femme éditeurs. S'appelle Maurice, ça ne vous ressemble pas. Non, excusez-moi. D'accord. Attention, Vincent. Si je vous dis... Île de... Ré. Tarné... Garonne. Saint-Pierre et... Miquelon. Poilà... Frire. Ah non. Ah non, non, non, nous étions dans la géographie, monsieur Josse. Kuala Lumpur, évidemment, ah. La capitale de la Malaisie. Enfin, très ça bien. Me semble une évidence. Très bien, monsieur Maudit, on attaque le son suivant. Salut, ça prend le bonjour. Oui, bonjour, monsieur Desavé, une petite blague. Oui. Monsieur et madame Croque-Monsieur ont un fils, comment s'appelle-t-il? Sarah. Ben non. Ben si, Sarah. Sarah Croche-Monsieur. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Josse? Je suis très fan de ce duo. C'est vrai? Vous aimez la potacherie? Oui, beaucoup. Les calembours pourris? Aussi. Très bien. Voici maintenant le son suivant de notre test de Rorschach radiophonique. On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh, qui dans toute sa vie ne s'est fait cuire qu'une main et n'a pas fait plus pour le reste que de se trancher une fois l'oreille gauche. Dans un monde où on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte, et ceci n'est pas une image, mais un fait abondamment et quotidiennement répété et cultivé à travers toute la Terre. Alors, c'est Alain Cuny, ça, non? Et voilà, voilà le premier de la classe qui débarque. Le schtroumpf à lunettes, c'est Alain Cuny, c'est Alain Cuny. Oui, mais c'est Alain Cuny, mais on s'en fout de ça. Dites-nous à quoi ça vous fait penser, le son, monsieur Josse. Je sais pas, j'ai écouté que sa voix, ça m'a rappelé, je peux évoquer un souvenir, ça m'a rappelé Alain Cuny. Allons-y, séquence nostalgie, allez-y, souvenir. Oui, à la Bibliothèque Nationale de France, il voulait emprunter un livre. Et la dame qui était à l'entrée ne l'a pas reconnue et voulait absolument sa carte d'identité. Et il a insisté, mais je suis Alain Cuny, madame, je suis Alain Cuny, etc. Et il est parti en claquant la porte parce qu'elle n'a pas voulu qu'il emprunte un livre. Voilà, elle ne l'avait pas reconnu, elle était très fâchée. Mm-hmm. Voilà, c'est inintéressant, vous trouvez? Non, non, non, pas du tout. On apprend aussi à vous découvrir. Ah, oh. Ah, pas mal. On peut expliquer ce que c'est, non? Ah ben allez-y, décrivez-nous l'objet qui est devant vous. Décrivez-nous l'objet. Bâton de majorette. Majorette. Avec plein de couleurs, qui fait plein de bruit, ça me fascine. Très bien, nous poursuivons. Écoutez ce nouvel extrait. Poussé vers la rive, son pédoncule se dépliait, s'allongeait, filait, atteignait l'extrême limite de sa tension jusqu'au bord où le courant le reprenait et ramenait la pauvre plante à ce qu'on peut d'autant mieux appeler son point de départ qu'elle n'y restait pas une seconde sans en repartir par une répétition de la même manœuvre. Qu'en dites-vous, Vincent Josse? Proust. Eh ben voilà, c'est bien. Voici maintenant un nouvel extrait sonore. Écoutez bien, Vincent, c'est parti. T'es au courant? Le groupe va lancer une nouvelle chaîne. Une idée géniale. Une chaîne météo qui donne uniquement le temps 24 heures sur 24. Quand j'étais gosse, ça existait déjà, un truc comme ça. Ça s'appelait une fenêtre. Monsieur Josse? C'est joli, ça. Pour moi, la météo, c'est quelque chose qui m'indiffère totalement. Voilà une information que je n'écoute pas. Ça ne vous intéresse pas? Non. Non, le temps qu'il fait n'agit pas sur moi. Ce n'est pas très grave. S'il pleut, par exemple, je ne serai pas déprimé. Je suis heureux qu'il fasse beau, mais je ne vais pas chercher à savoir s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. Voilà. Mais vous ne sapez pas en fonction du temps, du par tout. Exemple? Ah oui, c'est pour ça. Ça explique beaucoup de choses. Ok, d'accord. On comprend mieux, oui. D'accord. Voici le son suivant. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau avec Jean-Jacques Le Guélec. Jean-Jacques Le Guélec, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente plus, vous êtes ce qu'on appelle un gros bonnet à la COGIP. Vous êtes chef d'étage ici depuis 1972, également directeur du club de ping-pong depuis 1984. Bref, vous êtes un gros bonnet. Oui. Alors, ce que les gens voudraient savoir, c'est quel est votre programme pour l'an 2000? Alors écoutez, avant de parler programme, je voudrais quand même qu'on finisse ma présentation parce qu'elle est incomplète. D'accord. Hein, je sens bien que vous avez voulu cacher des choses aux téléspectateurs. Vous avez essayé de me caricaturer, de me coller une étiquette dans le dos et comme d'habitude, vous avez oublié l'essentiel. C'est-à-dire? Je tourne dans des films de boules amateurs allemands depuis 1986. Ah bon? Alors, ce sont des petits films sexy que l'on tourne avec des copines épilées qui parlent allemand. Ah, bon? Ah oui. En plus, vous êtes acteur de... Ah oui, tout à fait. Ah, c'est super. Oui, avec les collègues de la COGIP Francfort. Ah oui, c'est, ça donne bien. Oui, c'est pas mal. Alors, le film de boule amateur allemand, phénomène de société ou phénomène de mode, autant de questions que nous nous poserons demain dans notre nouveau rendez-vous « Je jouis en allemand ». Jean-Jacques, merci, merci pour toi, merci surtout de m'avoir ouvert les yeux. Je te fais des énormes bisous. C'était vraiment très intéressant. Monsieur Joss, que dire? Eh ben on rit, eh ben alors, allons-y, qu'est-ce qu'on dit? J'ai jamais interviewé d'acteur de films porno, mais je le regrette. Ah c'est vrai? Ben pourquoi pas, ça doit être passionnant. J'aimerais qu'il m'emmène sur un tournage, j'aimerais voir comment il reste en forme toute une journée, voilà. Ah, oui. Alors, nous avons retranscrit toutes vos réponses, monsieur Joss. Vous êtes malin. Aussi, je crois qu'il est temps... pour vous de passer à l'étape suivante. Nous allons vous confier aux mains de l'infirmière en chef du ministère psychique. Rassurez-vous, il a une grosse voix. Grosse voix, hein. Mais ses méthodes ont fait preuve d'efficacité. Appelez notre infirmier, professeur Mauduit. Infirmier, pointez-vous fissa au labo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Amenez-vous, infirmier. On voudrait vous confier... quelques minutes, notre patient qui est un peu réfractaire. Il a du mal à répondre à nos questions et on aimerait que vous l'accouchiez un peu, en fait. Voilà. C'est quoi son problème? C'est quoi son cas, là? Ben écoutez, c'est monsieur Joss qui essaye de dissimuler un peu sa personnalité sous des réponses un peu proprettes et on pense que derrière, c'est un peu plus compliqué. Voilà, monsieur Joss s'occupe un peu de culture. Donc on vous le confie quelques minutes et voyez ce que vous pouvez en tirer, infirmier, ça nous arrangerait. Ça va, professeur, ça va. Hey, j'ai du boulot, hein. Je peux pas non plus rester deux heures avec lui. Alors, allons-y, bon. Allons-y, infirmier. Bon alors, c'est quoi le problème? Il paraît que je fais des réponses propres. Ben, c'est vrai que vous avez l'air très propre, mais bon... je le suis. Écoutez, je vous le dis tout de suite, hein, si j'étais un peu sec avec les professeurs, c'est parce que la semaine dernière, ils recevaient une bombasse, ils m'ont pas appelé pour m'occuper d'elle. Hein. Je le confirme, Isabelle. Voilà. Giordano. Giordano, voilà, c'est ça, j'avais pas... Bon, enfin bon, alors voilà, pour vous, ils m'appellent, donc on va aller à la douche, Vincent. Hein? Pas la douche. Pourquoi pas la douche? Non, pas la douche. Vincent, c'est obligatoire. Il faut passer à la douche. Alors on va se déshabiller, on va pas faire d'histoire, on va enlever cette petite chemise d'employé de banque ou je ne sais pas quoi, et on va enlever le pantalon. Très bien, c'est bien Vincent, voilà. Vous êtes un petit peu coopératif. Bon, vous avez déjà été hospitalisé, monsieur? Oui. C'est pour des problèmes graves? Appendicite, ça s'est bien passé? Tout va bien. Vous gardez un bon souvenir? Très bon. Bon, vous avez des allergies alimentaires? Il y a des choses que vous ne pouvez pas manger? Non, je peux manger de tout. Pratiquez un sport? Oui, le footing. Ah. Combien de temps? Une fois par semaine, sportif du dimanche. Très bien. Vous allez au match de foot de temps en temps? Jamais. Non, mais jamais. Pourquoi? Parce que j'étais arrière et qu'on m'appelait la passoire à l'école. Oui, mais justement, vous pouvez aller regarder les autres jouer. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'aime beaucoup le tennis, mais c'est tout. Ah, quand même. Vous jouez au tennis? Non, j'ai joué, mais j'étais nul. Donc je le regarde, je vais à Roland-Garros. C'est marrant, toujours vous rabaissez. Pourquoi vous dites j'étais nul au foot, j'étais nul au tennis? Parce que je suis lucide. Votre corps... passe uniquement par la pratique du footing? Oui, rien d'autre. Vous n'êtes jamais allé dans une salle de sport? Si. Ah, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Mmh. Et alors? Mais c'était... Je me débrouillais pas très bien. Je regardais encore les autres faire, voilà. Et je voulais qu'ils me parlent et personne ne me parlait. Donc je me suis ennuyé. Je préfère courir avec de la musique dans mes oreilles. Vous ne parlez pas en courant quand même? Non, non. Je chante. Bon, bah, écoutez, je crois que j'ai à peu près tous les... On peut arrêter la douche? Bah, vous séchez maintenant. Mmh. Infirmier, ouais. Ramenez le patient, s'il vous plaît. Voilà. Bon, écoutez, professeur, j'ai fait ce que j'ai pu. Une dernière chose, monsieur Joss. Essayez d'être un peu plus coopératif parce qu'ils peuvent être très violents, surtout celui qui parle pas trop. Le professeur Mauduit, c'est le pire. Je vous laisse et il faut que j'aille soigner grand corps chétif maintenant. Hein. Merci beaucoup, infirmier. À la prochaine fois. Alors, monsieur Joss, comment vous sentez-vous après cette douche ? Très propre. Très bien. Le temps de vous sécher, monsieur Joss, découvrons un patient du ministère psychique totalement schizophrène. Vous aimez Johnny Hallyday ? Oui ! Vous aimez Yvette Horner ? Oui ! Vous aimez Edouard ? Quoi qu'il en soit, je vais vous chanter mes hallucinations. Edouard, tu as trop de cheveux. Il tombe sur tes genoux et cache tes jolis yeux. Je lui ai dit, grand-mère, excuse-moi, veux-tu. Je ne peux pas les couper, en dessous je suis tout nu. Oh non. Edouard, pourquoi tu portes un bermuda à fruits? Je lui ai dit, c'est parce que j'ai beaucoup d'esprit. T'es comme le père Léon et tu me fends le cœur. Tu es très en retard avec ta robe à fleurs. En me réveillant, je marche du pied gauche sur un disque de Léon. Je ne me suis vraiment pas du tout inquiété. Ça m'a porté bonheur pour toute la journée. Oh non! Mon meilleur ami l'autre jour à Calais allait acheter un tissu écossais. Je lui ai dit, tu ne connais pas le système. Pourquoi ne pas l'écosser toi-même? Mon ami Léon, il est un peu idiot. Il prend toutes ses blagues dans l'almanach Vermo. Ça n'est pas qu'il veut se faire remarquer, mais parce qu'il trouve ça beau et parce que ça lui plaît. Oh non. Un jour du mois de mai, je vais à l'Olympia. C'était Léon qui jouait de l'harmonica. Tu nous casses les oreilles, Léon. Pourquoi ne joues-tu pas de l'accordéon? Grand-mère m'a dit, Edouard, explique-moi, veux-tu? Pourquoi de l'aspirine tu chantes les vertus? J'ai dit, entre les genoux, si tu la serres bien, c'est très efficace et ça ne risque rien. Oh non! C'était Edouard, un autre fou chantant, perdu dans ses hallucinations. C'est un jeune homme extrêmement perturbé. Je voudrais le rencontrer et lui faire subir une évaluation psychologique. Il faut que je lui fasse passer toute une batterie de tests. Oui, monsieur Joss, vous êtes un homme très perturbé. Et après nos tests, mais avant d'émettre nos conclusions définitives, nous allons maintenant vous soumettre à un petit questionnaire. Cette troisième évaluation psychologique devrait nous aider à faire ressurgir votre moi le plus profond, le nœud du problème. Nous allons découvrir jusqu'où nous conduit votre psyché. Ne cherchez pas à vous soustraire, répondez à ce questionnaire. Le plus naturellement possible, allons-y. De quel animal vous sentez-vous le plus proche, monsieur Joss? J'aime les chats, j'aime les loups et j'aime les renards. Le renard. Pourquoi donc le renard? Ben parce qu'on dit rusé comme un renard, alors j'aimerais être rusé, je crois, et puis j'ai un long museau, je trouve, physiquement. Je ressemble un peu à un renard, vous ne trouvez pas? Non. Pour moi, vous seriez plutôt un renard tendance californienne, Vincent. J'ai fini le temps où l'on martyrisait les innocents. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous faire goûter la vraie justice. Oh, c'est le signe de Zorro. Zorro. Zorro. Zorro! Ah, Zorro, j'aimais ça quand j'étais gosse. Mais avec un masque et une plume, Vincent. Mmh? Vous sentez-vous parfois Zorro, justement? Oui, j'aurais beaucoup aimé être acteur pour jouer Zorro ou un film de KPDP. Je comprends complètement que Gérard Philippe ait eu envie, pendant le TNP, jouer Fanfan la Tulipe. Ça doit défouler totalement quand on est acteur de sauter sur un cheval et de se battre. Hey, vous avez des pulsions. Ah oui, celle-ci, je l'ai. Sauvage. Je l'ai, hein? Oui. Hein? Acteur de film de KPDP. Bon, cela dit, dites-nous, Vincent. Vous souvenez-vous comment communiquait Zorro avec Bernardo? Avec les mains? Oui, c'est pas mal, langage des signes. Oui. Et vous, Vincent, quel moyen de communication utilisez-vous le plus souvent ? La parole. On nous a dit que vous appréciez particulièrement les échanges téléphoniques. Je te la prends, puis délicatement je la porte à ma bouche, très lentement, pour que tu en aies très envie. Ta sève monte lentement. Comment ça et moi ? Ah oui, moi, oui, ah oui, oui, oui. Alors moi, la sève prend le même chemin et atteint la corolle. Comment ça, pas assez cochonne ? Oh. Alors, Flora déboutonne son corsage. Il s'en échappe un énorme mamelon. 5 kilos au moins. 5 kilos, ils exagèrent. Ça pèse pas 5 kilos. Oh, peut-être la peur, je sais pas, mais enfin. Enfin, bref. Enfin, un très gros sein qu'on avait envie de peser tant il était... Tu veux une balance ? Ah non, maman, pas toi. C'était long, ça ? Ta passion pour le piano ? Eh ben, c'est du propre. Mais tout le monde le fait, maintenant. Il y a des Minitel, et puis il y a des annonces dans les journaux très, très bien. Raconter des saletés, des pauvres types. C'est un nouveau métier. Ça fait de mal à personne. C'est juste au téléphone. Comme ça, on n'attrape pas de maladie. Et tu as attendu 40 ans pour te découvrir cette vocation. Tu peux pas savoir combien j'ai souffert depuis l'accident de Garibaldi. Et Charles, tu crois qu'il fait des prouesses ? Je raconte pas de saletés au téléphone, moi. Mais tu as 100 ans, maman. Tu es bien, mais... T'as quand même 100 ans. Moi, j'ai ma vie devant moi. Oui, d'accord, elle est derrière, mais enfin... Alors, Vincent... Mais c'est culte, ça, c'est merveilleux. Ah, mais c'est maman, culte. Tu as 100 ans. Oui, je regarde très régulièrement, j'ai le film. Film, Les Saisons du Plaisir de Mocky. Le scénario n'est pas très intéressant, mais il y a des acteurs qui allaient mourir, d'ailleurs, quelques temps après le tournage. Il y a Charles Vanel, par exemple, Denise Gray, Jacqueline Maillan, qu'on entendait. Et maman, tu as 100 ans, c'est culte. Et vous aimez cette scène ? Ah oui, elle est formidable. Oui. Le téléphone rose. D'ailleurs, quelle est votre couleur préférée, Vincent ? Je porte pas mal de bleu, c'est un peu classique, mais j'aime bien le blanc, comme vos blouses blanches. Le blanc. Savez-vous ce qu'incarne le blanc chez Tchekhov, monsieur Joss ? Dites-moi. Vous ignorez ? Oui, là, ça ne me revient pas. Les saisons, monsieur Joss. Mmh. Vous voyez pourquoi ? Je vous explique. Mmh. Le printemps, les cerisiers sont en fleurs. Mmh. C'est blanc. L'été, les ombrelles, pour se protéger du soleil, sont blanches. L'automne, les bourgeois qui quittent les villégiatures recouvrent leurs meubles de drap blanc, systématiquement chez Tchekhov. Mmh. Et l'hiver, tombe la neige, le blanc. D'ailleurs, à propos de la neige et de sa blancheur, monsieur Joss, découvrez ce qu'en pensait Alfred Hitchcock. C'est le blanc qui lui fait peur. La neige et ses traces. Je vois du blanc. Le ski. Les traces des skis sur la neige. L'horreur qu'elle lui inspire montre qu'elles ont un rapport direct avec la cause de son amnésie. Oui, un meurtre à ski. Alors, monsieur Joss, avez-vous la trouille du blanc ? La trouille de la neige et du ski, certainement. Je skie quasiment en chasse-neige, moi, voyez-vous. Mm-hmm. Je suis assez trouillard. Mais est-ce que le blanc vous fait peur ? Non, le blanc m'apaise, au contraire. C'est une couleur qui m'apaise et que je trouve très élégante. Quand quelqu'un porte du blanc, je le trouve en général très élégant. Vous ne redoutez pas les blancs ou le blanc à l'antenne ? Ah si, ça c'est un vrai cauchemar. Ah, genre... vous avez peur du blanc, oui, Vincent Joss. Oui, c'est bien. Ça s'affine de plus en plus. Oui, on y arrive tout doucement. Donc vous avez peur du blanc. Et quand on fait de la radio, vous en savez quelque chose, on a des cauchemars, on fait des cauchemars. Alors, quand on est présentateur... Parlez-nous de vos cauchemars. On a peur de ne pas arriver à l'heure, à l'antenne. Un petit cauchemar, ça. Ça arrive d'ailleurs dans la vie. Ça vous est arrivé déjà ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent ? Dites-nous. Je ne me souviens plus. Non, j'ai été coincé dans les toilettes avant. Avant un journal, c'était mon premier 7h. Et voilà, j'ai donc fait un petit pipi à 7h05. Et oui. Impossible d'ouvrir la porte. Et en même temps, les toilettes fuyaient. Donc les toilettes étaient en train d'être inondées. Et j'ai imaginé mon directeur de la rédaction de l'époque annoncer à mes parents ma mort noyée dans les toilettes du 3e étage. Et donc voilà. Et j'ai pas fait de journal, donc j'ai tapé avec mes petits poings ensanglantés sur la porte. Ça, c'était le début ? C'était le premier 7h du matin, oui, mais j'avais fait les flashs nuit très longtemps. Ils m'ont dit, on te teste à la matinale. Eh ben, et à 7h05, traumatisé, coincé. Quoi. Ce sont les pompiers de la maison qui sont venus m'ouvrir à 7h30. Vous avez donc un souci avec le blanc, monsieur Joss. Mais le blanc, c'est aussi le rapport à la propreté, à la pureté, n'est-ce pas ? Parce que la nature est belle, le nouveau Lecha Machine contribue à une meilleure protection de l'environnement. Encore moins de lait phosphate, encore moins de la lessive, le nouveau Lecha Machine, c'est rien que du naturel. N'oubliez pas de faire bouillir votre chat. C'était un conseil du CCC, le comité contre les chats. Qu'en dites-vous, Vincent ? Êtes-vous obsédé par l'hygiène ? Oui. C'est vrai ? Par la propreté, oui. Ça me défoule le dimanche soir quand je suis angoissé à l'idée d'aller travailler le lendemain. Et qu'est-ce que vous faites alors, du coup ? Je fais du ménage. La brosse à reluire ? Il me fatigue, lui. La brosse à reluire, Vincent Joss. Avant non. de commencer la semaine, on la stique un peu. Alors, après toutes ces pérégrinations psychiques, résumons, Monsieur Joss, ce que nous venons d'apprendre à votre propos. Primo, vous vous sentez l'âme d'un gros renard. Tendance justicier latinos, en gros, vous vous prenez pour Zorro. Ensuite, vous adorez entendre Jacqueline Maillan qui parle de cochonceté. Et enfin, vous redoutez les blancs à l'antenne. Vous vous rendez compte, Vincent, de ce que vous êtes en train de nous dire ? Vous saisissez ce que votre inconscient nous révèle ? Votre angoisse de combler l'antenne pourrait s'avérer périlleux, Vincent, car vouloir rendre justice tout en vous passionnant pour l'intimité sexuelle des gens, c'est réellement vous mettre en danger, Monsieur Joss. Comment ça va, Carla Bruni ? Allô ? Alors, on a coutume de dire, que le deuxième disque est beaucoup plus difficile à réaliser que le précédent. Attends un peu, toi. Or, vous démontrez tout à fait le contraire avec ce deuxième disque, parce que vous n'écrivez pas les chansons que vous chantez. Vieille vache ! Vous avez mis en musique des auteurs anglais du 19e et du 20e siècle. Ah, alors voilà, le typographe à la retraite qui se prend pour Zola ! Les Anglais, les Américains, pourquoi ? Miaou ! Miaou ! Miaou ! Vous avez longuement évoqué votre libertinage, votre sexualité libertaire, 45 traductions. Vous êtes encore surprise de ce succès ? Non ! Vous parliez, vous évoquiez longuement et avec beaucoup de précision vos relations conjugales et extra-conjugales, le plaisir du corps. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous parlez de votre âme plus que de votre corps en parlant de jalousie ? Tu couches toujours avec Nelly ? Parce que t'as couché à un bon moment avec elle quand même. Donc pour l'écriture et aussi pour la liberté du corps, parce que vous savez très tôt les possibilités infinies de votre corps. Tu dis ça pour me faire plaisir. Est-ce qu'on a le droit de dire bonne chance à une artiste qui sort son deuxième disque ? Non, me dit Nicolas Demorand. Oh merde, yo. Bah, je vous le dis quand même. À bientôt, oui. Carla Bruni. Bon, alors maintenant, tu vas me dire pourquoi ça t'a pris de le regarder comme un objet. Qu'en dites-vous, Vincent ? C'est formidable, ça me fait plaisir d'entendre Simone Signoret me répondre. Une inspiration pour l'avenir, peut-être ? Ah, c'est quelqu'un que j'aurais beaucoup aimé rencontrer, Simone Signoret, qui me fait un petit peu peur comme ça et qui me passionne. C'est pas vraiment de ça que je parlais, monsieur Joss. Oui, pardon. Carla Bruni, vous auriez à l'interviewer. Dans son deuxième disque, elle n'était pas encore première dame bien, de France. Non, mais hein. qu'est-ce que vous lui demanderiez aujourd'hui ? J'ai pas très envie de la rencontrer. Ah, c'est vrai ? Je la trouve trop consensuelle, oui, aujourd'hui. Elle aime tout le monde et honnêtement, c'est pas du tout une personnalité qui m'intéresse, non, ni une artiste qui me passionne. Au final, comme prévu, nous sommes troublés par ce que nous avons découvert. Et bien entendu, nous en tiendrons compte pour établir notre diagnostic différentiel de votre personnalité, monsieur Joss. Certes, votre cas s'annonce critique, mais moins que celui de certains pensionnaires du ministère psychique qui suivent au quotidien vos prestations radiophoniques. Et figurez-vous, monsieur Joss, qu'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici l'encore chétif, vous offre ce petit présent. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien, Vincent. Vincent, Émile. Avec Vincent, c'est la culture en plein dans le mille. Pourtant, le théâtre, c'est chéreau. C'est pas toujours marrant, mais parfois, c'est pas triste. Pas triste, chéreau. Je suis trop con. Ici, ma chambre, c'est un vrai musée du Prado. J'ai pourtant qu'un seul tableau, mais en plein d'exemplaires, et ça pourrait te plaire. C'est pas la Joconde au sourire niais, c'est l'origine du monde, de Courbet. Et grâce à mes copines, Cynthia, Josie et Tabata, ça le fait grave dans ma piole, mon gars. Tout ça, c'est grâce à toi, Vincent. Tu m'ouvres à la culture, j'en oublie l'habitude. Je voudrais créer le Vincent Fan Club, le Joss Culte. Pourtant, je ne suis pas médecin, je suis encore plus con que prévu. Bon, allez, je retourne dans mon musée, m'amuser. Merci, l'encore chétif. Vous voyez qu'on fait de la culture populaire à Esprit Critique. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Après nos pérégrinations psychologiques, il est l'heure, monsieur Joss, de vous confronter au redoutable diagnostic différentiel de votre personnalité. Bon, vous l'avez compris, Vincent, c'est un bilan assez alarmant. Après son analyse, voici la sentence du ministère psychique. Comme nous le soupçonnions, votre architecture mentale sous votre camouflage de gendre idéal constitue un authentique danger pour notre société. Pervers monomorphe, vous avez développé une analysite critique pas trop aiguë à lire et à reluire. C'est pourquoi, afin de vous éviter la camisole, vous avez maintenant quelques instants pour vous lancer dans une séance d'autocritique. Le ministère psychique vous écoute, Vincent Josse. Eh bien, il faut que je sois certainement plus critique dans l'esprit critique. Parce que vous me trouvez un peu faillot avec mes invités, donc je vais corriger ce défaut si c'en est un. Moi, je n'ai pas cette conscience-là, mais écoutez, à l'avenir, je ferai mieux, professeur. J'ai l'impression de faire un mea culpa total. C'est bien, c'est bien. Quoi d'autre ? Ça vous plaît, hein ? Ouais, j'adore ça. C'est vous, le pervers monomorphe. J'adore ça. Quoi d'autre dans l'autocritique ? Ah, bah, c'est tout. Oh bah c'est mince. Hein. Non, le reste est vraiment bien. Il va falloir vous sortir d'ici, donc faut un peu cracher le morceau. Hein. Rappelez l'infirmier. Ah ben, méfiez-vous parce qu'il est pas loin. La douche. La douche, oui, la douche. Bon, vous échappez à la cellule capitonnée du ministère psychique. Néanmoins, nous vous prescrivons un petit traitement. Car voyez-vous, monsieur Josse, il est impératif de libérer vos instincts teigneux, bon sang. Le ministère psychique vous recommande de vous réconcilier avec votre psyché profonde. Restez calme. Tout va très bien se passer, Vincent. Voici notre prescription, juste un petit stage de rééducation mentale. Bon, vous savez, ce stage socioculturel a été organisé pour connaître la culture de notre région. Bon, cette culture se situe entre Vaux-le-Comte, Pêche-en-Mouy et la départementale 215. Une question. La différence, c'est au niveau du langage, tu vois. Par exemple, ici, les gens d'ici te disent « t'as vaché al marché ». Tu vas au marché. Et de l'autre côté de la départementale, ils te diront « t'es véchesse al marché ». Alors, que dites-vous de ce petit stage ? Ben, je vais y aller. Eh bien, il a intérêt à y aller, hein, le Vincent Josse. Il a intérêt à y aller. Et si vous y allez, nous vous laisserons libre de regagner le monde extérieur, monsieur Josse. Mais nous ne manquerons pas de surveiller dès lundi matin à 9h10 sur Inter l'effet de notre traitement. Devenez méchant. Sinon, nous vous internerons immédiatement. À bientôt, monsieur Josse. Au revoir, professeur. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la troisième consultation du ministère psychique. Nous vous remercions grandement, Vincent Josse, de vous être prêté à cet exubérant exercice. Nous vous retrouvons donc dès lundi matin en direct sur Inter à 9h10 pour votre esprit critique. Merci beaucoup, merci monsieur Josse. Merci beaucoup. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes. Merci beaucoup, Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Michel Bertin. Merci beaucoup, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard et Yvan Beaugelet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Hervé Pochon et Julien Dugast pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion, en souhaitant que cela fonctionne cette semaine. Pour la suite, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace, nouvelle version. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libère ta folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ? 21 April. Can you think of anything else?